En toute humilité, nous nous approchons à nouveau de ton trône de grâce pour sanctifier ton nom éternel, pour te remercier de ce jour merveilleux, de ta disponibilité à nous écouter. En effet, tu exauces nos prières. Tant que les choses que nous te demandons se conforment à ta parole, nous avons l'assurance de le recevoir. Et quand nous recevons des réponses, nous avons le devoir de te glorifier, de bénir ton Saint Nom, de te lever par-dessus toutes choses, car effectivement, tu es le Dieu de merveille qui nous délivre de tout danger. Comme ta parole a dit, les épreuves atteignent souvent les justes, mais le Seigneur l'Éternel les en délivre toujours. La délivrance ne manque pas. Quelle que soit l'épreuve, elle surgit toujours de quelque part. Et notre secours vient de l'Éternel, Dieu qui a fait les cieux et la terre. Il est plus fort que les montagnes. Il est plus haut que les montagnes. Il est plus fort que toutes les créatures. Il est notre forteresse. Il est notre bannière. Que ton nom Jésus soit sanctifié. Et que cette soirée soit une soirée de bénédiction. Pour chacun qui s'approche de ton trône, reçoit à pleine mesure ce que tu as prévu de nous donner. La parole de vie. La sécurité éternelle. La puissance surnaturelle. La délivrance totale. L'amour du Rédempteur. Baissant au milieu de nous, communie avec nous, Seigneur, guéris nos infirmités. Et particulièrement malades, tu as le pouvoir de les guérir, de les changer, et de manifester la guérison totale. Rien ne peut te résister. Même pas le cancer. Même pas le sida. Même pas le coronavirus. Il y a tout vaincu. Et chaque fois le diable est toujours perdant. Jésus, tu es notre victoire. Affermis notre foi dans les choses de Dieu pour bannir la peur. Et et nous maintenir au compte des vainqueurs. Au nombre de vainqueurs. Place-nous là, Seigneur. Et honore tes promesses. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi pour ta gloire. Amen. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur. Apocalypse chapitre 12. Nous prenons le verset 7 à 12. Apocalypse 12, verset 7 à 12. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et si kaka tina likolo, et jama ki po na bango le susite. Da la gona yango monene, abwa kami, yenyo kana kala kala, ou abyangami, motele melipe satana, mozimbisi na bato na mokili, mobimba. Abwa kami na se, banje na ye pe, babwa kami na ye ulongo. Na yoki mongongo makasi kati na likolo kolo bakaete. Sasa ipi, lobiko, nanguya, nabokonzi, na nzambe na biso, nabokonzi na Kristo na ye esili koya. Oete, mofundi na bandeko na biso, oyo afunda kabango na liboso na nzambe butu na moyi, asili kobwakama. Bango baleki ye nzambi na makila na mwana na mpate, pe maloba na litatoli na bango. Pe balingaki bomoi na bango te ataki no kufa. Na bongo bosepela ye likolo. Pe bino bafandi wana. Mawa na mokili mpe na mai monene. Po ete Satana akiteli bino na ko ngala mingi. Awa ayebi ete ajali na mwa elaka mokuse. Apokalipse chapitre 16 verset 12 à 13. Zomi na motoba. Zomi na mibale kino zomi na motoba. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son nom tarit pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Na mouni milimu na mbindo misato lokola mbenda kubimana monoko na dalagona pena nyama, pena mosakoli na lokuta poete bajali milimu mabe kusalaka bilembo baoyo bakei epai na bakonzi na mokili yonso koyanganisa bango mpona etumba na mokolo na monene na nzambe mozwina nguya yonso tala na koya lokola moyibi esengo na oyo akengeli pe abateli bilamba na ye ete atambola bolumbu te mpe amona soni te. Bayanganisi bango na esika ebyangami na monoko na libelo ete alamagedone. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous souhaitons à chaque âme la bienvenue à la table du Seigneur. Soyez les bienvenus dans la maison de Dieu. Que la parole que nous allons entendre soit une nourriture précieuse pour nos âmes. Et que la parole apporte diverses solutions à nos divers problèmes. Apporte la grâce du Dieu vivant pour croire que chaque jour Dieu ne change pas. Il est le même dans toutes les générations et ce qu'il a commencé à faire, il l'achèvera certainement. Que Dieu soit béni. Elle soit vraiment bénie pour l'éternité. Le mercredi, nous avons essayé de nous entretenir dans la suite du sermon que nous avons donné dimanche. Le sermon de dimanche, c'était Dieu qui contrôle la guerre d'expansion russo-américaine. Nous avons essayé de montrer que Dieu contrôle tous les mouvements. Et qu'il n'y aura pas de débordement qui échapperait à notre Dieu. Une bombe qui accidentellement va faire des dégâts ici sans que Dieu ne le permette. Dieu contrôle tout. Dieu contrôle tout dans l'univers. Les grandes et les petites nations. Dieu le contrôle complètement. Il n'y a rien qui puisse lui échapper. C'est tellement sûr et c'est tellement vrai. Puissent nos cœurs s'enfermir dans le Seigneur. Et savoir qu'il a une capacité d'action qu'aucune nation ne peut atteindre ni ne peut dépasser. Dieu a une grande capacité d'action et il contrôle tout. L'Amérique est sous son contrôle. Eux-mêmes dans leur monnaie, $1, ils ont mis ça. In God we trust. Oh, une nation sous l'œil de Dieu. Ils ont dit qu'ils sont une nation sous l'œil de Dieu. Donc, c'est que Dieu voit tout ce qu'ils font. Rien ne peut échapper à Dieu. Nous avons entendu parler de la contrebalance qui vient du roi du Nord, la Russie. Le roi du Nord, c'est la Russie elle-même. Aujourd'hui, Vladimir Poutine peut mourir. Comme autrefois, Mikhail Gorbatchev était mort. Il n'y a pas même longtemps d'ailleurs. Mais il a régné pendant un temps et puis il est mort. Mais ce n'est pas Mikhail Gorbatchev qui était le roi du Nord. Ce n'est pas Vladimir Poutine qui est le roi du Nord. Ce sont que des personnes humaines, des instruments à la tête d'un empire, d'un royaume que Dieu a choisi pour l'utiliser au temps de la fin. Donc même si on assassinait Vladimir Poutine, la Russie ne cessera pas d'être le roi du Nord. Que le roi du Nord, comme l'ange a dit, c'est la Russie. Et la Russie, c'est le pays appelé Russie. Et c'est ça le roi du Nord. La Russie. Elle peut être représentée aujourd'hui par Vladimir Poutine. Elle était représentée il y a des années par Medvedev. Medvedev, qui était le prédécesseur de Vladimir Poutine à la présidence. Et il peut y avoir rien après Poutine, aucun souci. Mais l'ange a dit au prophète, surveille le roi du Nord. Surveille le roi du Nord. Le roi du Nord, c'est la Russie. La Russie. C'est ce grand pays-là. Il se tient là au Nord. Mais Dieu le contrôle. Il dit à son prophète de cet âge de surveiller le roi du Nord. Cela s'adresse également à nous croyants de son message. Parce qu'aujourd'hui, le prophète n'est plus sur la terre de Dieu. Qui va exécuter cet ordre de surveiller le roi du Nord? De son message, c'est à nous que cela répond. Et cela incombe à vous et à moi de surveiller le roi du Nord. Surveiller ce que fait la Russie. Que Dieu soit béni. Je sais que maintenant, ils ont eu raison. Hein, sur la déchéance morale qui se passe dans l'Occident. L'Occident n'est pas un modèle de valeurs. Comme on nous a fait croire pendant des décennies et des siècles, c'était le modèle et tout ceci. Mais du point de vue moral, on peut avoir raison de prédire. On peut aller prendre les autochtones d'Afrique. Ils ne savent même pas distinguer l'ennemi gauche, l'ennemi droite. Ils ne savent même pas écrire, ils ne connaissent même pas les ABC. Mais ils viendront enseigner la morale à ces blancs. Il a pris l'exemple d'une des tribus en Afrique du Sud où c'était une loi, un principe de vie. Il ne va au mariage, doit y aller. C'est en Afrique. Les gens qui n'avaient ni Bible ni prophète. Mais ils avaient une morale si forte. Mais en Occident, où ils ont des religions organisées, depuis des centenaires, depuis des siècles, la virginité n'a plus de valeur. Mais ils se disent qu'ils sont civilisés. Donc, une fille peut être vierge ou pas, ça n'a pas d'importance. Et voilà cette dépravation qu'ils sont venus amener en Afrique. Pensent s'émanciper. Elles deviennent comme démodées quand même. On doit parler de virginité. Alors, c'est ça la vraie valeur. Amen. Et au nom de la civilisation, elle pratique le copinage, la prostitution, la pornographie, des choses qui n'existaient pas dans nos coutumes à nous les Africains. Aucun de nos ancêtres, même ici au Congo, n'a pratiqué la pornographie. Au contraire, la pudeur était le mot de Dieu. Les affaires de l'homme sexuel, on n'en parlait pas. Mais il en avait l'homme blanc, l'occidental. Il s'est dit civilisé. Oh, il est juste bâtard, terre à terre. Donc, on m'a dit dans cette tribu d'Afrique du Sud, une fille qui doit aller au mariage devait y aller bien. Au cas où elle a fait quelque chose de coupable, avant le mariage, elle doit les déclarer et dire avec qui elle l'a fait. Et malgré ça, on va lui enlever son tatouage tribal, la marque caractéristique planqué sur la peau, qui identifie la tribu à laquelle elle appartenait. Donc, on va forcer et effacer ça. Elle deviendrait comme une fille sans tribu. Sans appartenance. Parce qu'elle a fait la honte. En Afrique du Sud, ça s'est passé comme ça. Le frère Brunam est allé là en missionnaire, il a vu ça. Il est bien pensé, il est dit, vous ne pouvez pas la parmi eux des maladies sexuellement transmissibles. Parmi ce peuple qu'on appelle les indigènes, que l'on assimile à des macaques, à des singes. Mais il n'y a pas parmi eux là, des maladies vénériennes. Mais ces maladies sexuellement transmissibles, ça vient d'où? C'est l'esprit de l'homme blanc qui est corrompu. Dans la morale est foutue. Et voilà, il croit être supérieur. Mais c'est dans sa peau, dans sa race, qu'il y a ces mauvaises maladies. Alors, ces maladies sexuellement transmissibles. Il n'y en a-t-il pas maintenant chez les Noirs? Parce qu'on a voulu tout copier. Et l'on pensait que c'est le signe de l'émancipation. C'est l'agrandissement. Alors que ça n'avait rien à voir. C'était la destruction. Alors, Vladimir Poutine s'est élevé contre ça. Pour dénoncer encore à haute voix. Contre la fin du dimanche. Contre la religion de l'inversion. Et la transsexualité. Non, transsexualité. On est en train de déformer même les gens. Il y a des humains qui deviennent bisexués. Donc, il est né un homme, mais on peut déformer son corps pour en faire une femme, lui donner des seins, et puis prendre une femme, en faire un homme. Poutine dénonce et condamne ça clairement. Il dit que c'est la religion de l'inversion. Et cette religion est contre le christianisme. Et puis il dit, Jésus-Christ a dit. Alors, Jésus-Christ a dit, vous les reconnaîtrez à leur foutre. Jésus-Christ a dit, vous les reconnaîtrez à leur fruit. L'Occident, ce fruit empoisonné, ne compte pour personne. Tout le monde voit le fruit empoisonné. Et ce n'est pas valable pour nous. Oh, mes chers amis, jeudi dimanche, c'est une tentation. Quand on entend des choses comme ça, les gens de qui on ne pouvait rien espérer de l'évangile, que l'on doit plonger dans le satanisme. Je suis tenté de dire Vladimir Poutine, que Dieu te bénisse. Vladimir Poutine, ah, Il dit Jésus-Christ a dit. Alors Jésus-Christ alors vous les reconnaissez à l'heure. Vous et il cite normalement les occidentaux. Attendez la combo, attendez la et ce sont des fruits empoisonnés. Alors les dont ils nourrissent la terre. Et eux sont là pour s'opposer à pour préserver les valeurs. La coup de chapeau. Et bien dit. Il fallait que quelqu'un le dise. Et il l'a bien dit avec ses armes et tout. Bon, qu'il vienne de mentir si ils ne sont pas coupables. Vous voyez là? Sur cette piste-là, ils réagissent même pas. Ils aucun d'eux ne pipe un mot. Quand il a parlé, ils sont en silence. Mais quand il va seulement parler du sous-titrage à mon nous allons réagir. Mais vous êtes coupable de quelque chose. Vous avez ruiné la terre. Vous avez corrompu la terre. Et comme il est écrit dans Apocalypse chapitre 11, le temps vient où Dieu sanctionnera ceux-là qui corrompent la terre. Apocalypse 11, verset 15, jusqu'au verset 18. Le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Mange ensemble, aïla kimpo mingongo ma kasi kati na likolo ni lobiete. Bokondina mokili oyo esili, kokoma, bokondina kolo na biso pe, na kristo na ye. Pe, akozala mokondi, libela na libela. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône, tombèrent face contre terre, et ils adorèrent Dieu. Nikolo yango tukuni bale na minei, baoyo bavandaki na kati na bokonzi na bango na liboso na Nzambe bakwei bilongi na bango kosambela Nzambe. Et en disant, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Balobi ete, eh Nkolo Nzambe, mozina nguya yonso, oyo azalaki amen. Les nations se sont irritées. Ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints, et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. Bako, bakalaki nde nkele na yo eyaki mpe elaka na kosambisa bakufi ekomi mpe elaka na kopesa libonza na basakoli baombo na yo mpe na bapetwi mpe na bango bangangi kombo na yo na bato mike na bato minene mpe elaka na kobebisa babebisi na mokili. La récompense de saint, la récompense de prophète, c'est établi, c'est clair. Mais la dernière phrase du verset 18, c'est là où je voulais vous amener, le temps viendra où Dieu exterminera ceux qui détruisent la terre. Dans la version de Darby, je pense, il traduit comme étant le temps de détruire ceux qui corrompent la terre. Qui corrompent la terre. C'est-à-dire qui polluent la terre. Par la corruption. Voyez. La corruption. Quand nous, nos valeurs ici en Afrique étaient encore fortes à l'époque de nos ancêtres, les voleurs n'existaient presque pas. On pouvait laisser les habits passer nuit. Il n'y avait pas de problème. Et on n'a même pas besoin de clôturer nos parcelles. On n'avait même pas de maison construite à matériaux durs. Nous vivions comme les primitifs pygmées dans la forêt équatoriale. On n'avait pas des habits sophistiqués prêts à porter. Mais on tombait rarement malade. Et le taux de mortalité était faible. Quand il y avait mort, tout le village devait se réunir pour un jugement. On devait palabrer pour toi. Et qu'est-ce qu'on ne devait pas faire pour éviter? C'était un jugement clanique. Les maladies comme l'hypertension artérielle, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de maladie cardiaque ici. Mais regardez la civilisation quand il est venu. Maintenant, on trouve même nous, les Noirs, hypertendus. Et avec des problèmes compliqués. Il y a des gens qui corrompent la terre. Et cette civilisation occidentale y est pour quelque chose. Et vous connaissez ce qui s'appelle la mafia internationale. En vertu de laquelle le Rwanda, qui n'est pas producteur de coltan, a été classé à un moment premier producteur de coltan. Un pays qui n'a pas de coltan sur son sol. Comment vous n'avez pas, vous les classez même premier. Exportateur, exploitant du coltan. C'est du coltan du sang que l'on vient voler sur le sol. Il y a des sociétés multinationales qui sont en train de se faire. La mafia est qui sont venus apprendre ça aux Africains? Ce sont les Occidentaux. Des choses qui n'existaient pas dans nos justes coutumes africaines. Ils nous ont entraînés. Quand on était à l'époque du royaume, nos richesses ne nous causaient pas de guerre. Mais quand on est venu établir des régimes d'obédience occidentale, on a eu quelques idées de démocratie et tout cela. Regardez maintenant, nos dirigeants sont des grands voleurs. Alors que les empereurs de l'époque, quand nous avions des empires africains, l'empereur ne pouvait pas voler. Le roi Congo, le roi Lunda ne pouvait pas voler. Parce qu'il devait prêcher par l'exemple. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fabriqué? Une civilisation occidentalisée. La corruption est à la mode. Voilà, détournement des données publiques. Le vol de l'argent. Des scandales financiers. Des crimes économiques. Et c'est toujours des dirigeants qui sont adulés, dorlotés par les officines occidentales. Donc c'est eux, ils sont d'accord, ils trouvent qu'ils collaborent bien. Ne dis pas ceci, au sujet de telle chose, tais-toi. Les maîtres passés sont en train de tout dire. C'est pitoyable. Mes chers amis, le royaume du monde reviendra au Seigneur, notre Dieu. Comme vous voyez ici dans Apocalypse 11, cette pollution universelle prendra Poutine n'a fait que élever une voix. Poutine n'est pas Dieu. Dieu est celui qui est le maître des temps et des circonstances. Il annonce ce qu'il fera pour mettre fin. Dieu va exterminer tout ce qui détruit la terre. Exterminer. Et il le fera. C'est là que nous essayons de voir ce soir les arriérés de la bataille d'Armageddon Le long chemin qui mène à la bataille d'Armageddon. Ça paraît un long chemin. Mais Dieu va abréger l'œuvre au temps de la fin. Le long chemin qui mène vers la bataille d'Armageddon. Ça prend des années, des siècles, des millénaires. Mais cette bataille s'accomplira finalement. Qui dit Amen? Regardez ce que dit Frère Branham dans la prédication 4e saut. Il dit ceci. Comme c'est beau. Ici, c'est prêché le 21 mars 1969. Paragraphe 279. Encore 1985. Et puis le paragraphe 334 à 337. Voilà. La première chose qui s'est passée dans le ciel, c'était une bataille. Première chose qui s'est passée dans le ciel. Ici nous remontons au loin dans l'histoire. À l'époque du jardin d'Éden. La première chose qui s'est passée dans le ciel. C'était une bataille. Lucifer a été chassé. Et il est venu sur la terre. Alors il a pollué l'Éden. Vous suivez? En polluant, en disant polluer, c'est que lui, Lucifer, a corrompu l'Éden. Et s'il a corrompu l'Éden, c'est qu'il a détruit l'Éden. Lucifer, qui était une créature de Dieu, un chérubin, protecteur, ange déployé. En effet, Dieu l'a démasqué ici dans Ézéchiel chapitre 28. Il l'a mentionné comme ayant été en Éden. Ézéchiel 28. Il dit ceci au verset 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes espèces de pierres précieuses, de sardoines, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucles, d'émeraudes et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Ça, c'est Lucifer. Ouais, Yalami pe kulusili, pe soana pe yasiti, pe safili, pe samala pe baleketi, pe wolo. Kobongisa ndundu na yo pe sololo na yo esilaki, na mokolo na kojalisa na yo yango ebongisa maki. Or, avant de se retrouver en Eden, comme la Bible le dit ici, il avait été au ciel. Il avait d'abord été au ciel. Et là au ciel, toujours Ézéchiel 28, il le dit. Essayons de lire cela. Ézéchiel chapitre 28, toujours. Au verset 14. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Et tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Verset 15. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Donc, avant de se retrouver en Éden, comme le verset 13 l'indique, ce Lucifer avait été d'abord au ciel. Et là au ciel, il était un chérubin protecteur. Il était au ciel. Il était l'un des chérubins protecteurs du trône de Dieu. Imaginez quelle puissance il avait. C'est ce qu'il était. Et quand il est tombé, Dieu ne lui avait jamais ravi sa puissance. Il a laissé tomber avec toute sa puissance. Parce que Dieu avait crié. Et il est venu se faire comme cela. Et là, il s'est retrouvé en Éden. C'est ce que nous dit le message. Nous lisons 4e saut. Le premier chose qui s'est passée dans le ciel, c'était une bataille. Lucifer a été choqué. Et il est venu sur la terre. Alors, il a pollué l'Éden. Si à la fin, dans Apocalypse 11, Dieu prévoit d'exterminer tous ceux qui polluent la terre, tous ceux qui détruisent la terre, tous ceux qui corrompent la terre. C'est qu'il y a un précurseur qui les a entraînés à ça. Il y a un entraîneur dans la pollution de la terre. Et l'entraîneur en question, c'est Lucifer, la personne. Alors, ne balayons pas quand nous parlons de lui. Mettons-nous sur la bonne position. Et sachons de qui il s'agit. C'est un pollueur. La même civilisation occidentale. Il multiplie les conférences et les réunions de renommée internationale pour lutter contre le réchauffement de la planète, pour préserver l'environnement, pour protéger l'écologie et limiter les gaz à effet de serre. Il formait des recommandations au gouvernement, aux nations. Mais qui en étaient les initiateurs? Mais c'est de leurs propres inventions. Et la civilisation nous a amené à tout ça. Mais là, ils veulent jouer aux sapeurs-pompiers. Inventer le véhicule à gasoil. Nani abandé ça pour ça la mitoukawe pour tambola kana. C'est toujours l'Occident. Vous allez vous donner qui a inventé le véhicule à essence. Nani ça la qui mitoukawe pour tambola kana. C'est toujours l'Occident. Vous allez bango. Et ce véhicule émette de la fumée qui contient le monoxyde de carbone. Vous allez gaz très toxique. Même contre la vie même. Vous allez la bato. Si vous en prenez de grandes gorgées, vous serez asphyxié. La mort est possible. Mais on voit des véhicules qui fument sur la route. Vous allez comment on met tout, vous allez qu'on soit moto, vous allez qu'on soit et la mort est loin. Quand le véhicule est dans cet état, ne circule plus. Qui l'a fabriqué? Ce sont les mêmes Occidentaux. Qui vient nous apprendre à faire des lois pour que le véhicule ne circule pas? Ce sont les pollués. Eux-mêmes étant les fils qui diable. Savez-vous que Frère Vanham a dit que les savants seraient seulement si c'est cela que le monde reconnaît comme des savants. Ce sont les descendants du serpent ancien. La semence directe du diable sur la terre. Oh, mais grâce à l'ère découverte, le monde s'est épanoui. Vous ne saisissez pas grand-chose. Vous allez continuer. C'est le diable. Vous allez diable. Cette terre est créée par Dieu. Dieu n'est pas incapable de la protéger. Il a donné au fils de l'homme. Voilà ce que les hommes en ont fait. Rien d'autre que la perversion et la pollution. Mais heureux ceux qui retournent au Seigneur. Heureux ceux qui se convertissent pour vivre. Car la science de la mort, l'arbre mélangé, ne peut pas nous sauver. Il n'y a de salut en aucun autre à part Jésus. Que celui qui aime Dieu dise amen. Il y a un long chemin. Qui nous mène vers la bataille d'Armageddon. Un chemin millénariste. Un chemin de siècle. Mais cette bataille se produira finalement. Voyez, mercredi on disait, il y a une écriture sous la miraille. Préparer la guerre. Dieu l'a dit par Joël. On va commencer mercredi autour de ça. Mais en réalité, c'est la guerre, la bataille d'Armageddon. Vous êtes préparés. Vous êtes prêts. La première chose qui se passe dans le ciel, c'était une bataille. Lucifer a été chassé. Et il est venu sur la terre. Alors il a pollué l'Éden. Les échos de cette bataille apparaissent en Apocalypse 12. L'Apocalypse 12 est une prophétie qui va s'accomplir au temps de la fin. À la période de l'allègement de l'Église. Mais elle regorge, cette écriture regorge en elle-même les échos de la vieille bataille qui avait eu lieu à l'époque du chagrin d'Éden, mais au ciel. Pour nous revenir à l'Apocalypse 12, pour il est écrit ceci, verset 7 à 12, et il y eut guerre dans le ciel, pas sur la terre, mais dans le ciel. Jean voit ça en vision. Il est placé sur l'île de Patmos pour voir non pas les événements du passé, mais les choses qui doivent arriver. Les choses qui doivent s'accomplir dans un instant proche, dans le futur. Mais parce que l'histoire se répète. À travers un événement futur, vous pouvez retrouver les traces du passé. Il y a eu guerre dans le ciel. Michel ou Michael, l'archange, et ses anges combattirent contre les dragons. Et tout le monde a dit qu'il Michael et l'archange, et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne firent pas les plus forts. Louange à Jésus. Est-ce que ça te dit quelque chose? Vous êtes rassuré, vous consolé? Voilà, même si le cheval est équipé pour la bataille, parce que la bataille appartient à l'Éternel. David l'a dit à Goliath, dans Samuel chapitre 17, elle demeure valable jusqu'à présent, car la victoire appartient à l'Éternel. Oh, toi tu ne crois pas ça? Vous allez pour tu es hésitant? Vous allez pour la victoire appartient à Jéhovah Sabaoth. Qu'il y ait une bataille, qu'il y ait des épreuves, qu'il y ait des problèmes, des tribulations, des persécutions. Au final, la victoire appartient à l'Éternel des armées. Et Zalakande Yahye. Et Zalakande Yahye. Et Longa Babengi Longa. Et Zalakande Yahye. Yanzambe O Yayo. Et Zalakande Yahye. Ça appartient à ton Dieu, nul ne peut le confisquer. La victoire lui appartient. Amen. Moi j'aime ça comme ça. Et servir ce Dieu à qui appartient la victoire. De savoir que quelle que soit la bataille, passe au présent ou au futur, la victoire lui appartient toujours. Amen. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Oh là là. Il a dit, ils ne firent pas les plus forts. Honte à eux. Mais ils ne firent pas le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fit précipiter le grand dragon. Suivez. Yolanda. Le serpent ancien. C'est ça. Dans la bonne les échos du passé. Cette bataille qui est mentionnée ici, dans la période où l'église doit être enlevée. Elle se passera dans les airs là-haut. Pour libérer l'espace des airs, que Dieu a prévu comme lieu de rencontre entre l'époux céleste et l'époux céleste. Et ces airs là-dedans haut sont occupés présentement par celui qui s'appelle le prince céleste. Le prince de l'air dont Ephésiens 2 parle. Il trône là-bas. Il est le prince de l'air. Et notre rencontre dans 1 Thessaloniciens 4. Quand nous serons enlevés, nous irons à la rencontre du Seigneur dans le ciel. Dieu ne va pas laisser se passer une cacophonie. Et au moment de l'enlèvement, le diable commence à pistonner l'un. Il prend un peu, gueuler l'autre. Donc, le Seigneur est en train de s'enlever. On commence à traverser les airs, l'espace. Voilà le dragon phénique. Dieu ne va pas laisser de faire quoi. Il les laisse rôder autour de nous sur la terre. Satan va traverser. Rôde autour de vous comme un lion rugissant. Au nom de la bataille, Dieu le laisse faire. Mais attention, au moment de l'enlèvement, la victoire est déjà décrétée. La puissance d'enlèvement est déjà préparée. Les élus seront effectivement enlevés. Et je vous assure que là dans les airs, il n'y aura rien pour le troubler. Ni démon, ni Lucifer. Parce que la bataille surgira. Dans les moments qui précèdent l'enlèvement, l'archange Michel descendra. Il baisseront une armée là dans les airs. Ils lanceront une offensive foudroyante. C'est lui qui s'appelle le prince de l'air. Pour les dégâts de et la bataille sera rangée. Et la Bible dit qu'ils ne seront pas les plus forts. Amen. Voyez-vous du chemin? Vous allez pour moi, Angela. Or, cette bataille qui va se répéter là, dans les périodes de l'enlèvement ici. Et là aussi, un antécédent, un écho. C'était déjà passé autour du trône de Dieu. Dans le septième ciel. Avant la chute de l'homme. Avant que le péché n'entre dans la nation. Cette bataille avait eu lieu entre Lucifer et l'archange Michel. Qu'est-ce qui était à la base de ça? Dans Ésaïe au chapitre 14. Ésaïe 14. La parole dévoile ceci. C'est la vérité infaillible. Ésaïe 14. Voilà, le verset 12. À 15. Et voilà tombé du ciel, astre brillant. Le mot astre brillant, dans la traduction un peu plus orthodoxe, le nom biblique, c'est Lucifer. Donc vous avez la traduction de la Bible de Shuraki. Vous avez la Bible où il y a Bible vous prenez Esaïe 14, verset 10, Shuraki est carrément Lucifer. Il met le nom Lucifer au lieu de mettre astre brillant. Et même la Bible de Yehoshua HaMashiach, la nouvelle version de la Bible, la Bible de Yehoshua HaMashiach, Donc dans cette Bible-là, comme vous prenez Ésaïe chapitre 14, c'est encore mieux. Là, on reprend les noms dans leur langue originale. Et voilà, tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre. Là, quand il est venu jusqu'à terre, au jardin de Dieu, abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Toi le vainqueur des nations. Kokata makino mabele boni oyo ubukaki mabota. Voyez la cause de sa précipitation. Talatina, quand il a perdu la bataille qui n'était pas le plus fort, il a été abattu à terre. Tombé du ciel. Voilà, tombé du ciel. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les sommets de nu. Écoutez, je serai semblable au Très-Haut. Alors, voilà. Na kofanda na ngomba na koyangana na epai na likolo na musika. Likolo na esika na mapata na komija lisalokola oyo aleki likolo. Je serai semblable au Très-Haut. Na posa lokola aleki likolo. Notre Dieu qui s'appelle El Elyon, le Dieu Très-Haut. Voilà une de ses créatures. Nomme Lucifer. Recevoir un tel projet de grandeur et d'ambition. Abandisi makambo ya koma monene. Kuna na yaza liko landa yango na koma lokola nzambe. Je serai semblable au Très-Haut. Les louanges et les adorations méritent. Les prières, c'est moi qui les recevrai. Mais, contrairement à cette ambition démesurée, tu as été précipité dans les séjours de mort, dans les profondeurs de la fosse. Voilà. Voyez. L'orgueil précède la chute. Lorsque Dieu te lève lui-même en son temps. Et le Seigneur a dit que quiconque se lève sera abattu. Personne au petit. Amen. Attendons l'élévation au temps de Dieu. Ne forçons rien. Ni la gloire, ni la bonne réputation. Émilions-nous en prière. Appelons Jésus sur la scène. Il est rien et nous façonne. Il nous change de sa main. Et nous devenions ce que lui veut que nous soyons. Voilà comment ce gaillard, il a conçu ses projets. Il est allé les anges. Un membre d'entre eux s'est rallié de son côté. Et une bataille a commencé au ciel. À l'époque, il s'allait. Et alors, dans les deux camps, Dieu était au-dessus de la mêlée. Il n'a même pas voulu entrer pour aller tenir la chemise de Lucifer. Au-dessus de la mer. Seulement un regard. L'archange Michael. Michael a compris que mon créateur maître m'ordonne au front. Créature contre créature. Le créateur au-dessus de la mêlée. Le roi élevé au-dessus de la mêlée. Et contempler le match de ses propres créatures. Amen. Quelle scène! Dieu assis sur son trône, il regarde. Un ange est en train d'animer. Allez, Michael, mène le bas. Alors il prend le devant. Mettez le Lucifer, essayez de récupérer la situation. Attendez, vous allez voir. Lucifer, met le ballon et tout. Et Dieu assis en train de voir. Zambé a vandi, et à la fin, Dieu constate que Lucifer avec ses anges, les démons, face à Michael avec les anges qui sont restés fidèles, le groupe de Lucifer, il n'était pas le plus fort. Et alors il leur donne la précipitation. Un petit mot, quitta. Même sans effort, un petit mot, quitta. Il a senti, Lucifer a senti des forces insurmontables. Il a agité tout son être. Il a agité tout son être. Pour essayer de résister ses livres. Il boudait. Vous allez comprendre que tout ça vous a tout ça vous fait. Et leur place ne peut plus trouver aussi. Amen. Quand Dieu voudra t'humilier, tu ne maîtriseras même pas comment tout cela est arrivé. De manière vertigineuse. En rien de temps. Il peut te ramener par terre. Il peut t'enfuir en-dessous. Parce qu'il est le créateur. Amen. Il a tout pouvoir dans le ciel sur la terre. Il a tout pouvoir. Lucifer et ses anges ne pouvaient pas s'éteindre. Et son théâtre du ciel a pris ça. Il s'est retrouvé par terre grattant la tête. Maintenant je vais faire quoi? Il regarde les anges autour de lui. Toute la gloire est partie. C'est devenu de la désolation. Un peu de force et de graissement. Vous allez me prendre. Vous allez me prendre. Vous allez me prendre. Vous allez me prendre. Vous allez me prendre. Vous allez me prendre. Vous allez me prendre. Vous allez me prendre. Vous allez me prendre. Quitter leur position, s'échauffer pour se consoler. La situation était désespérée. Il n'avait plus aucun moyen de remonter là-bas. Dieu a donné les 1000 kilomètres. Et Michel et ses anges, autour du trône, organisant l'adoration à l'unique créateur. Et ceux de Lucifer qui étaient descendus, comme ils n'étaient pas descendus avec Dieu, ils se sont fabriqués un Dieu dans leur conception. Et ce Dieu-là, c'est Lucifer lui-même. Est-ce que tu veux dire la bongo? Place. Tous organisés caca, tous à la peine d'examen, les bisous, awa, tout va nous ressembler à yé, tout battre campagne pour naïe, tout ça les moussala. Hein, à venir, hein, et goyébana. C'est comme ça que les démons tout désespérés, ils sont organisés dans les royaumes des ténèbres, dans l'empire satanique, parce qu'ils étaient inconsolables. Mes chers hommes, leur place ne fut plus trouvée là-haut. C'était une bataille qui a eu lieu là-bas. Alors sur la terre, ils se sont dit, mais Dieu là, il a déjà créé l'homme, non? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, il n'y a pas, on n'a pas un homme que nous pouvons utiliser. Tout l'homme est là. Et son homme là est dans le jardin, non? Il a placé dans les meilleures conditions. Maintenant, nous, nous venons ici dans ce chaos. Il n'y a rien pour ma tour. Nous devons nous débrouiller comment ça. La jalousie. Voilà, contre l'homme. Lui aussi, il est une créature. Qu'est-ce qu'il va faire? Et pourquoi lui doit vivre mieux? Il est aussi une créature comme lui. Si au ciel, il y avait une armée qui a combattu. Mais ici, tout le monde est caillé. Tout le monde est caillé. Il Lucifer est venu en personne. Lucifer est venu en personne. Là, quand il dit, ah, Atalia, je vais vers l'homme, il risque de comprendre que je suis un concurrent pour lui. Je vais aller vers sa partie la plus faible. Je connais les secrets du Créateur. Il avait pris d'une côte. Donc, il a fait tout un moment à partir d'une côte. Donc, ça doit être la partie fragile de l'homme. Alors, je vais manipuler là-bas. Et par le canal de la femme, il sauve l'homme. Et regardez ce qu'il a fait. Lorsqu'il s'est retrouvé là-bas, dépaysé en Éden. Genèse chapitre 3. Genèse, mon capo, le serpent était le plus rusé, verset 1. De tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu aura-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La ruse. Nyoka, aleka ki nyama yonso na mokili na mayele mabe, ou ya ou nzambe, asila ki kojalisa. Aleka ki na mwati yeti. Zambe alo baki folo eke bino bopo kiko liambu mananzete yonso na ilangate. La femme répond du verset 2. Répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Moi aussi, a zangi folo nyo ka eke, bopo kiko liambu mananzete na ilanga. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Kasi folo mbu mananzete yango, katikati na ilanga nzambe alobaki ete bino bokolia yango te mpe bokomama yango te ete bokufa. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Il contredit Dieu. Yatemi nzambe donc alobaki na mwasi bino bokokufa solo te. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Oui, que nzambe ayebi ete na mokolo bokolia yango nyonso na bino na kofungwama. Et la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Voilà comment on a attrapé l'homme. Na kujipula bosesi ali na moto akamata kimbo mayango yote aliaki pe apesa kini mbali na ye oyo ajalaki na ye ilongo yote aliaki. Alors verset 11 zomina moko Andres et l'Éternel Dieu dit, qui t'a pris pour homme, que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Yahweh Nzambe alobaki ete nani alobaki ye ozali bolungu. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'allais manger. La femme que toi tu as mise auprès de moi. Oui, c'est ça, il n'y avait pas de problème. Mais toi, tu es venu mettre une femme à moi. C'est elle qui m'a donné. Bon, tu peux parler. Je t'écoute. Mobali, alobiyeti. Moi, si oyo yo, opesa ki ete ajala na ngai. Apesi ngai mbuma na nzete yango, ngai pe na lei. Dit, Éternel, j'étais toujours obéi. Alors, ngai na tina koto satan. Je me connais depuis la création. Oui, ngai uta kokela ma. On a vécu des années, j'étais pas. Ibuka ki ni bu na zala ki na mbuka. Toi-même, tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme souffre. Oui, moko lwa ki jere malamu te mbuka. Moi, qui t'avais rien demandé. Ben, a tina kolo kote. Et tu as mis une femme à côté de moi. Ou c'est moi si pene na ngai. Maintenant. Tous ces temps-là où j'étais seul, j'étais toujours obéi. L'arbre, manger l'arbre, je n'étais pas là, tu ne m'as rien, tu ne m'as jamais rien reproché. Mais si ceci si est arrivé, c'est la femme que toi tu as mise à côté de moi. Mais le frère, depuis ce jour-là, Dieu a lavé les mains pour ce qui est du choix d'une épouse. Ma qualité na yo, ma kambo zo luka, yo mokone kele bunda, zo mwasyo bunda yo. Me demande seulement Dieu de te conduire. Quand un homme vient pour dire à une soeur, Zamba ibisinga, yon de moi servi nangai. Tu sais déjà que c'est un petit serpent. Yazali nyo ka mouke. Dieu ne peut pas dire ça. Zamba wuko loba ma kambo yon. Il a fait ça pour Adam, ça crée un problème. Et l'homme s'est permis d'accuser Dieu. Oh, c'est toi! Les alliés, Tu as mis la femme. C'est... Oui, moi j'ai mangé. Je m'a donné. J'ai mangé. Dieu se tourne vers la femme. Comme des fois nous mettons Dieu au pied du mur. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Et la femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Ping-pong. Wana kufanya sana matamuke hivyo uzangi boyo. Yawe zambe alogola kina mwasi yeti. Usali bongo pona nini? Mwasi alogaki yeti. Nyoka aposi maipo na lehi. Waite profe? Umuni kufanya sana. Organizo le preme profe sur la terre. Zambe kufanya kwa kufanya sali bosano mabele. Il juge l'homme, interroge l'homme. Aposi atini mwotuna na mabali. L'homme di, c'est la femme. Utalivenga li mwasi. Donc la femme qui est coupable, elle m'a donné. Moi j'ai manger. Elle m'a donné à manger, j'ai mangé. Voici ma belle. Et d'ailleurs, on wana pe singa wana. Yungu tumye ose femine na yao. C'est toi. Et d'ali yon zambe. Zamba malos. Ok, oui, c'était moi, oui. Je ne veux pas discuter. Pourquoi tu as fait la femme? Pourquoi tu as fait ça? Bon, tu ne nous as pas créé celle-ci. Tu as créé avec les serpents. Lui, il va chez lui. Il a bien mangé. Dieu s'est dit, mais bon. Est-ce que c'est ridicule? Bon, il y a le 8 mois. Il y a le 8 mois. Et tout. Il tourne maintenant vers le serpent. Il pose même pas la question pour le serpent. C'est pas le serpent, c'est tout le malédiction du serpent. Zamba, qu'est-ce que ça canda na ye et pas ya nyoka? Voilà ce que c'est. Il a épargné l'homme parce qu'il avait fait l'homme à son image. Amen. Amen. Il aime sa créature. Et s'il porte des fois ses bêtises. Dieu riche à miséricorde. Comment ne pas le louer? Comment ne pas s'attacher à lui pour lui? Il sait nous comprendre. Amen. Aïe, dit que sur la bise. Qui n'entretient pas un bras de fer infernal. Il veut comprendre. Comment cela est arrivé? Alors, la première chose qui s'est passée dans le ciel, je reviens à la citation, c'était une bataille. Lucifer a été chassé. Et il est venu sur la terre. Alors il a pollué. Voilà. La pollution est entrée comme nous venons de lire. Et depuis ce temps-là, il n'a pas arrêté de polluer. Lucifer. Depuis ce temps-là où il a pollué les dents. Jusqu'à présent, il n'a pas arrêté de polluer. Même au nom de la science. Ce sont des choses qui conduisent à la destruction. Les fameuses découvertes. Voilà. Et maintenant, de la bataille dans le ciel, on aboutit à la bataille sur la terre. Il y avait une bataille dans le ciel, et en partant de là, ça suit le cheminement. Et nous arrivons à la bataille sur la terre. Écoutez. Et cela doit se terminer sur la terre. Au temps de la fin. Par une bataille appelée Armageddon. Vous voyez le cheminement? Le long cheminement. Il mène vers la bataille d'Armageddon. On va commencer où? Au ciel. Alola. C'est arrivé où? En Eden. Et ça continue par la police. Comme des conflits entre Dieu et Satan. Et jusqu'à présent, la police continue. Jusqu'à ce que la septième trompette sonne. Quand la septième trompette, le septième ange s'élève. Alors le royaume du monde sera remis à Christ. Le temps sera venu de détruire, d'exterminer. Mais en attendant, la correction s'est poursuivie. Change de forme. Mais en attendant qu'on en arrive là, l'église des nations sera enlevée. Cette église fiancée de Christ dont on a parlé hier, elle sera enlevée. Mais avant qu'elle soit enlevée, les armées de Michael, avec les anges fidèles à Dieu, feront les déplacements des airs. Les batailles seront livrées là-haut. Ils aboutiront à une nouvelle précipitation de l'éthique. Le fils son fief de l'air, comme le prince de l'air, et il viendra cette fois-là sur la terre. Et là, il va s'incarner de nouveau comme il s'était incarné en Éden. Voilà pour vendre les choses locales. Savez-vous est-ce qu'il va s'incarner? Vous parlez comme ça? Dans le pape qui sera en fonction. Et à partir du Vatican, ça donnera au pape un cœur de bête. Et il fera des choses impitoyables sur cette terre. Après l'enlèvement de l'église. C'est pas le temps d'en parler en détail. La prophétie biblique en parle clairement. Mais malgré qu'il sera entré dans le pape en fonction, c'est là qu'il fera commencer la bataille d'Armageddon. Il y aura encore un bouclage par le ministère des deux termes Moïse et Élie. Il y aura des présenteurs pour faire attendre la bataille. On a posé les camoufles tout ça. Le déclenchement des hostilités. Vous bandez ça ma cambo. Toutes les 144 000 fois d'abord c'est les combats. Oui, le crépus moko, samanitano, sukubitano, nitano, nitano, nitano, nitano, nitano, nitano. Maintenant remarquez. Il devra représenter Satan, le pape. Oui, papa, on est venu la terre, c'est Satan. Et souvenez-vous. Obanza, à la fin de 3 ans et demi, le ministère de Moïse et Élie, il a tué les deux prophètes. Le représentant direct de Satan. Il a tué les deux prophètes. Et cela va déclencher les hostilités. La bataille d'Armageddon. Et Christ va venir. Et Christ a couru avec les armées du ciel. Pour aller voir Dieu et non. Hein? Il se tiendra là. Et ce sera l'un des derniers affrontements directs entre Christ et l'Antichrist. Entre Dieu et le diable. Affrontement direct. Savez-vous un autre affrontement qui a lieu dans ce cheminement? C'était à Golgotha. Voyez quand le péché est entré en Éden, dans les un nouveau rendez-vous avait été annoncé. Dans Genèse 3, Dieu a dit que je mettrai inimitié entre toi, le serpent et la femme, entre ta sémence et sa sémence. La sémence de la femme t'écrasera la tête. Et le blessera au talon. Et le meurtrira au talon. Vous voyez, après les rounds de l'Éden, un rendez-vous était fixé avec le Messie à venir. Aujourd'hui, nous parlons, ce rendez-vous a déjà vécu. Christ, représentant Dieu, a affronté Satan et le séjour de mort. C'est là au calvaire. Et il est sorti plus que vainqueur. Les armées de Satan, Satan ont été livrées en spectacle à la défaite. C'est l'évangile que nous croyons. Ils ont été humiliés. Je suis la fin. Ce n'était qu'une étape. Et le même Jésus qui a versé son sang pour racheter son église, il a promis de revenir pour l'enlever. Et au moment il va l'enlever, il y aura encore un affrontement. Là dans les airs, Michael combattra de nouveau. Comme après les 12 bénis. Là, le camp du diable de nouveau sera le plus faible. Ils seront précipités et les cerfs seront libérés. Et ce sera notre lieu de rencontre comme Isaac avait rencontré Rebecca. Nous rencontrerons notre époux Jésus-Christ dans l'essai. Est-ce qu'il y avait un ennemi là-bas? Dans le type. Qui était celle prête? Quand Rebecca a rencontré Isaac, qui était seul présent? Eliezer, le type du Saint-Esprit. Dieu ne laissera pas l'Antichrist là-bas-haut. Il ne laissera pas les dragons là-bas pour nous engueuler. Il va libérer les chers. Nettoyer l'espace. Pour notre frère. Ne craignez pas d'être enlevé. Il n'y a rien qui va vous intimider là-bas. Votre père a pris des précautions. Il a pris de bonnes dispositions. Pour que la rencontre se fasse en paix. Et dans une joie ineffable. Retrouvaille avec le Père céleste. Heureux et saints ceux qui sont invités au festival de notre Dieu. Amen, amen. Heureux et saints, ceux qui sont invités au festin de notre Zélario. Nous l'avons dit hier, nous l'avons dit aujourd'hui. Oui, c'est la parole de Christ après les 19 personnes. Heureux et saints, ceux qui sont invités au festin de notre Zélario. Ils sont là. Écoutez le cheminement. Et maintenant, c'est la bataille dans le ciel. On aboutit à la bataille sur la terre. Et cela doit se terminer sur la terre. Au temps de la fin. Par une bataille appelée Armageddon. Armageddon. Oh! Tout le monde sait ça. La bataille a commencé au ciel. Les saints, et alors ils furent chassés. Michaël et ses anges les ont vaincus. Et ils ont été chassés. Et alors ils sont descendus tout droit en Éden. Et c'est là que la bataille a commencé ici sur la terre. Êtes-vous là? Au paragraphe 185, comme annoncé. Les quatrièmes sont toujours. Bien. La bataille a commencé dans le ciel. Et Alola, elle se terminera sur la terre. Et la mabele, sous la forme d'Armageddon. Êtes-vous là? Alors, vous comprenez que l'entendement que nous devons donner à Armageddon ne doit pas être celui qui est Joseph Biden vous inculque. La presse libre nous inculque. Notre entendement de la bataille d'Armageddon doit être celui que la Bible enseigne. Alors tous ces soubresauts. Juste comme des petits signes. Réelle bataille qui approche. Mais qui ne se fera pas comme les hommes pensent. Mais qui se fera comme Dieu l'a prévu. Mais avant que cela n'arrive, je veux la sécurité de mon âme. Je veux que Dieu me parle. Parce Armageddon, comme on l'a dit, mercredi, dira tout. Réveille-toi, toi qui dors. Ne te confie pas dans les choses visibles. Bataille d'Armageddon détruira tout. Alors, au paragraphe 334. À 337, voici Satan qui vient avec ses protestants. Avec ses protestants. Suivez bien la prophétie. Pour cette bataille d'Armageddon. Voici Satan qui vient avec ses protestants. Ces catholiques. Et tous les autres réunis. Au dans les quatre coins de la terre. Venant de quatre coins de la terre. Avançant droit pour la bataille d'Armageddon. Quand cette bataille va se déclencher, les protestants et les catholiques feront partie des armées sataniques. Dites Amen. Amen. Amen. Quand cette bataille vient, Satan va s'avancer. Et dans ses rangs, il aura qui? Les protestants et les catholiques. Vous voulez dire que ne seront pas levés? Passe na yoni. Passe na yoni. Toi, écoute le message, répands-toi, réponds-toi. Tu te mets en peine de perdu pendant que ton âme n'est pas encore rassurée. Ta propre âme est dans la certitude. Cherchez le royaume de Dieu d'abord. Voici Satan. Qui vient avec ses protestants. Ses catholiques. Et tous les autres réunis. Donc tous ceux qui entrent dans la confédération œcuménique. Même les groupes charismatiques de prière. Même les pentecôtistes sont déjà entrés. Assurez-vous, ils feront partie des troupes de Satan. Contre la terre sainte. Le temps vient. Toutes ces mascarades des gens qui se font amis. Hors de ce message ici, ça ne tiendra pas longtemps. Devant l'épreuve de force, il s'est donné. Il ne sera rien du côté de Satan. Il n'y a que ce message qui a la puissance pour vaincre Satan. Placer la vie dans la parole de l'heure. Si vous ne comprenez pas ça, vous serez la preuve de ces choses. Que Dieu t'aide pendant qu'il est temps. Là, voici Satan qui vient. Avec ses protestants, ses catholiques, et tous les autres réunis, venant des quatre coins de la terre, et s'avançant droit pour la bataille d'Armageddon. Très bien. Et voici venir Jésus, descendant du ciel, avec les saints ressuscités. La parole confirmée. Ce sont les deux fronts. D'un côté Satan avec catholiques pour la bataille d'Armageddon. Satan avec ses protestants et ses catholiques et tous les autres réunis à côté d'eux. Réunis avec eux. Tous les religieux là. Les terminationnels. Les organisations. Feront un bloc. Et en face d'eux, il y aura Jésus. Il viendra avec les armées du ciel. Les ressuscités. Qui seront les ressuscités à ce moment-là? Mais ce sont les membres de l'épouse, non? Ils auront été enlevés au ciel. Ils reviendront avec Jésus pour la bataille. Tokoya dit, Tokoya. Yozo banga banga. Tokoya. Mundo di mogote gozobiso. Oui, kobeta, oh satande. Bakobeta satande et gozobiso de. Nous serons des surnaturels à ce moment-là. Nous serons des forces immortelles à ce moment-là. Attendez que ça les côté. Attendez ça, mon nez, les autres bangs, les autres noyaux. Nous signifiant, les autres bêtes, et tirati. Toi, tu as la superpuissance du royaume de Dieu. Et voici Jésus descendant du ciel. Avec le feu ressuscité. La parole confirmée. N'avons-nous pas lu quelque chose ici dans Apocalypse 12? Dans ce sens-là. Apocalypse 12. Verset 10 et 11. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu. Qui ça? Nos frères. Il est parmi nos frères. Ils ont vaincu l'accusateur de nos frères. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Nous voici, nous, les frères. Sasa hiti ilobiko na nguya na bopondi na nzambe na biso, na bopondi na Kristo na ye, esiriko ya, tote mfundi na bandeko na biso, oyo akofunda kabangoli boso na nzambe, butuna moi asiriko jwakama. Bangoba leki ye, zambi, na makila na mwana na mpate, pene maloba na litato li na bango, pe balinga kibono ina bango te, ata kino kusa. Voilà le préfère. Pour la parole, pour ce message, prêt à tout. Même s'il faut mourir, je ne vais jamais trahir la vérité. Je ne vais jamais renier le message. Je le crois jusqu'au bout. Toi aussi, il ne faut pas aimer ta vie terrestre. Plus que le royaume de Dieu. C'est lui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais c'est lui qui perdra sa vie à cause de Christ et la bonne nouvelle. Il la retrouvera. Dans Apocalypse 19, le même campement de Christ est présenté. Pour voir qui était avec lui. Apocalypse 19, verset 11-14. Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui l'est monté s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Et il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement plein de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel, voilà. Les armées qui sont dans le ciel, les suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. La mona qui l'icône aussi le projeta. Balata mpembe et jalaki. Mofangi na ye abiangami sembo na solo. Pe akosambi sakampe akobu naka etumba na boenge bene. Miso na ye lokola epeleli na moto. Pe na moto na ye mitolo na bofondi mingi. Ajali na pombo aussi le kokomama. Oyo moto mosusu ayebi te bobele ye moko ayebi yango. Alata ki elamba ya sili koinama na makilampe pongo na ye ebyangami ete liloba na nzambe. Verset 14. Bibolo na babuni na likolo bayalaki kobila ye bafandi na bambalata pembe balaki bilamba pepele pembe pete. L'identification de ces armées qui sont dans le ciel. Ils s'habillaient comment? Ils étaient sur les chevaux blancs, revêtus d'un fin lin pur blanc. N'est-ce pas? Et regardez, quand l'épouse s'apprête, l'épouse de Christ qui doit participer aux noces de l'agneau, comment il est vêtu? Apocalypse 19, verset 8. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin là, ce sont les œuvres justes des saints. Donc ces armées qui sont dans le ciel, c'est le pauvre de Christ. Je serai derrière Jésus-Christ. Je serai derrière vous. Le cheval blanc. Vêtu comme l'Écriture dit. Après l'enlèvement. Nous viendrons. C'est sûr et certain. Et le verset 8. Zela et Pefami na yeke alata bilamba pepe pepe. Na langi langi. Na pepe. Pour que bilamba yango pepe pepe bijali boyenge bene na bapeki. l'armée du ciel. Nous qui sommes d'abord maintenant une armée terrestre, après l'enlèvement, nous porterons le nom de l'armée céleste. Oh, Dieu peut nous donner n'importe quelle fonction quand il veut. Et regardez encore dans Apocalypse 17, toujours à l'occasion de la même bataille, le verset 12 à 14, les 10 cornes que tu as vues, l'ensemble des royaumes de la terre, sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant une heure avec la bête. Les dictateurs, pas les présidents élus démocratiquement. Ici, c'est l'avènement des dictateurs qui vont collaborer avec la bête pendant un espace limité de temps pour combattre contre la terre d'Israël. Mais Dieu les confondra. Vous êtes en Zambé, n'avez-vous pas longtemps gaieté? Kakandenge to beta kambangawa, kunapé to kotia bangomulungé. Bakolapa. Je vous dis, bakolapa! Nous avons un Dieu invincible. Vous êtes en Zambé à longtemps gaieté. C'est vrai? C'est vrai? Lisez le verset 12. Ma fête en deux zoni, ma jali, ba pondi zoni, ba eo, naïno, ba jibo pondité. Kasi ba poza bo pondi lokola, ba pondi na nyama, ilongo, tango moko. Malgré leur puissance et dictature, ils seront dictateurs sur leurs petits vaisseaux, les petits peuples sur qui Tu n'as pas dit Amen, hein? Mais tu dois savoir que c'est vrai. L'armée surnaturelle de Dieu. Aucune l'armée terrestre pourra la vaincre. Sachez ça. Et nous ferons partie de l'armée surnaturelle. Parce que nous aurons des corps immortels. Pour combattre mystiquement. Obligatoire. Donc, je n'ai même pas un instant m'imaginer une petite défaite. Amen. Ils ont un même dessein, tous ces dictateurs qui vont recevoir l'autorité. Ils sont l'autorité, mais ils ne sont pas élus. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Bango, Bakobuna et Tumba, on n'a pas été payé, on n'a pas été. Voyez tous ces rois de la terre. Dans l'Apocalypse 16. N'ont-ils pas été séduits par les esprits des démons? Donc quand la sixième coupe a été versée, trois esprits dans l'âme des grenouilles sont sortis de la gueule du dragon, de la gueule de la bête, et de la bouche du faux prophète, la trinité satanique. Alors, et puis il dit, ce sont les esprits des démons qui font les prodiges. Et qui vont vers les rois de toute la terre. Pour les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu tout-puissant. Mais ce sera un rassemblement sous l'impulsion des démons. Les esprits des démons projetés par les auteurs de la Trinité. Les religions trinitaires seront là, les protestants, les catholiques, tous les trinitaires. Et voilà, ils auront à la tête le diable. Avec ses troupes, les armées, et contre la terre de promesse, et contre le peuple saint. Mais nous viendrons avec Jésus. Et nous camperons du côté d'Israël. Vouloir ou pas, je vous dis ça. Cette bataille, nous la préparons. Et nous vaincrons. C'est vrai. nous vaincrons, nous la gagnerons. Avec notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ, nous la gagnerons. Très très facilement. Est-ce que vous là? Ici au verset 14. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau fera quoi? Perdra? L'agneau fera quoi? Les 10 cornes. Tous ces rois de la terre emboutés par les esprits trinitaires. Et les croyances trinitaires seront vaincus. Ils combattront contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Et le roi des rois. Et les appelés. Les élus. Et les fidèles qui sont avec lui l'agneau. Les vaincront aussi. C'est déjà écrit et c'est infaillible. J'ai dit Tokolonga. Bango va kobuna et tumba na mona na mpate. Pemona na mpate akolika bango pote ajali kolo na bankolo mpe mokonji na bakonji. Po bango na ye longo bajali babiangami baponami na basembo. Alors, nous revenons à la prédication quatrième fois. Voici Satan qui vient avec ce protestant. Les trinitaires. Et ces catholiques. Les trinitaires. Et tous les autres réunis. Les trinitaires. Venant des quatre coins de la terre. Avant sa foi pour la bataille de l'Armageddon. Très bien. Et voici venir Jésus de son descendant du ciel. Après l'enlèvement, après le festin de notre descendant du ciel, avec les saints ressuscités. Je suis heureux d'être l'un d'eux. Maintenant, là, pas encore, mais ça, ça ce sera le cas. La parole confirmée. Comme je l'ai dit, si Dieu parle et vous envoie, il appuie ce que vous dites. Et il appuiera ce que je vous dis ici. Nous vaincrons. Si Dieu parle et vous envoie, alors il appuie ce que vous dites. Voyez-vous? C'est marqué. Si vous êtes l'ambassadeur du ciel, tous les cieux seront derrière vous. Et le ciel consiste à la parole. Le ciel consiste à la parole. Si vous êtes l'ambassadeur du ciel, la parole que tous les cieux seront derrière vous. Remarquez maintenant, il est arrivé avec les saints ressuscités, ce qui confirme que sa parole est vraie. Ils se sentent heureux. Pas toi. Le ciel consiste en la parole. Parole. C'est que l'eau l'a né, vit dans eux. Amen. Parole. Quant à parole. Je vais dans les jours des jours de victoire. Je vais terminer par ça. Que ça est fini. Je dois vous libérer. Jours des jours de victoire. C'est le 21 avril 1963. Abraham, qu'est-ce que tu nous dis encore? Par exemple, 34. Nous avons eu beaucoup de guerres. Des guerres et des bruits de guerre. Et des jours vains. Et des jours vains. Et des jours vains encore. Des jours de victoire. Il y a eu des guerres, des bruits de guerre. Des guerres, des bruits de guerre, des jours vains, des jours de victoire, des jours vains, des jours vains. Finalement, cela aboutira à la grande bataille d'Armageddon. Finalement, Asuka. Toutes ces guerres, les bruits de guerre, Itumba, no, Itumba. Ce ne sont pas la bataille d'Armageddon. C'est du long cheminement. Et vos yeux peuvent voir, entendre et apprendre les événements temporaires. Sachez que c'est le cheminement. Tout cela va aboutir à la grande bataille d'Armageddon. La guerre RDC, Rwanda, Ouganda, Burundi, tout ça, Yosuana, ça va aboutir à la grande bataille. La guerre qui va embraser toute la terre. Je dirais même que ce sera la vraie guerre mondiale. Ce n'est pas ce genre de première guerre où on a envoyé les troupes des anciens combattants. Babundi Wakala, la RDC, la colonie belge, qui sont allés là-bas très loin d'ici. Pour aller soutenir, on a dit que la nation s'est rangée du côté d'eux. Non, il y a un temps où toutes les nations seront simultanément en guerre. Alors, nous avons eu des guerres, des bruits de guerre, des guerres, des guerres. Ça continue à être de nombreux. Hein? Mais, finalement, cela aboutira à la grande bataille d'Armageddon. Ce sera la dernière. La guerre généralise. Lorsqu'on en arrivera à la bataille d'Armageddon, tout sera réglé. Alors, préparons ça. Si tu veux participer à cette bataille, crois ton message, tu vas connaître l'esprit déjà maintenant. Au moment de l'enlèvement, ne reste pas, sois enlevé avec moi. Sois enlevé avec moi. Nous allons festoyer. Et pendant que nous serons là au ciel festoyant, Moïse et Élie seront en Israël en train de prêcher. Et puis nous reviendrons avec Jésus. Et nous sur des chevaux blancs. Pour cette dernière bataille. On a été tombé à Souka. Un moment ultime que je ne peux pas permettre de rater. En tant que combattant de la foi, je dois y être. Non pas en position de faiblesse, mais en position de vainqueur. Ayant déjà vaincu la mort par l'enlèvement. Êtes-vous là? Et nous reviendrons maintenant derrière Jésus-Christ. Mon général à 5 étoiles. Nous livrerons bataille. Pour défendre Jérusalem. Jérusalem restera à sa place. Hein? Nous défendrons Jérusalem. Nous défendrons l'intégrité de la terre d'Israël. Même pas un pouce de territoire ne doit aller aux États-Unis. Le pays tel que Dieu l'a délimité au temps de Josué. Parce que nous avons les précisions délimitées. Il doit revenir en entièreté à Israël. Amen. Aucun Palestinien ne prendra même pas 2 cm. Nous préparons cette bataille. Père, range-toi de mon côté. Kota na mulongo tobongama. Et que si la gana lève maté, bitou mamo se zoya. Hein? Olingi? Amen. Yorina. Ah, ça va, ça va. Bon, le yembo est la Bible, hein? L'enlèvement ne sera pas la fin de bataille. Il y a un combat qui vient encore. Voulez-vous aller dans la profondeur de la parole? Au-delà des chants? Ne limitez pas votre foi à l'inspiration des chants. Allez là où la parole nous amène. La parole dit qu'il y aura encore un combat. Nous combattrons et nous vaincrons. Ça se fera. Et ça va tout régler. Des conflits à répétition proche. Les de terre, bandes de Gaza, la bataille d'Armageddon réglera tout ça. Et tout le monde va finir sa maman. Tout grande kuna. Nous devons nous rappeler Israël. Et nous prions pour que la paix soit dans les murs de Jérusalem. Et nous prions pour le bonheur d'Israël. L'avez-vous fait ce matin? Dans la chambre de prière? N'oubliez pas ça. C'est notre troisième sujet dans la chaîne de prière. N'oubliez pas ça, s'il vous plaît. Tout ça fait partie des préparatifs. Quand le moment sera venu, Nous allons défendre ce que nous avons toujours cru. La terre d'Israël doit revenir à Israël. Qui célèbre des dictateurs, nous ne les craindrons jamais. La parole du Seigneur s'accomplira. Voilà le cheminement qui va mener vers la bataille d'Armageddon. Ça paraît un chemin long. Mais dans une prédication d'une heure environ, 30 minutes, ou près de 2 heures peut-être, vous avez la chose. Ça paraît bref, non? On peut en parler brièvement. C'est allé à travers des décennies, des millénaires. Partir de la première bataille qui a eu lieu au ciel, venir au combat qui a eu en Éden, l'homme est tombé au miséricorde de la race humaine. L'homme est tombé sans résistance. On l'a vu ici. Est-ce que l'homme a même résisté? Comme un passoire à cause de la femme, des sentiments envers sa femme. Ah, il est tombé comme ça, sans aucune résistance. Adam. Mais Christ a résisté. Amen. Christ a tiré le diable a tenté. Quand il est venu dans la tentation. Après le baptême de Jean. Première tentation. Jésus résiste. Troisième. Il a repoussé. Le diable avait eu à tenter des humains. Mais pour la première fois de sa vie, il s'est rendu compte qu'il a fait face à une cabine de très haute tension. Donc il s'est rendu compte que jamais il n'a eu à faire face à un tel homme. Une telle puissance, qui l'a projeté loin. Il est allé chercher un moment favorable. Jésus, notre général à Saint-Denis, il lui a infligé la défaite. Et quand il vient au prochain round, à Golgotha, Jésus est allé jusqu'à lui ravir même les clés de la mort. Conjoyez le corps et n'importe qui fait. Notre Jésus sur le divin modèle. Satan en a eu pour son compte. À Golgotha. Et maintenant, le même Seigneur, au moment de l'enlèvement, au prochain round, avant que ce pied n'arrive dans les airs, au départ de lui-même déjà, Michael va préciser. Affronter les troupes des princes de l'Est. Quand il va arriver là-bas, il rencontre son épouse en paix et dans une joie ineffable. Mais tu es que présent sur la route. Bonne préparation. Bonne préparation. Et après ça, il aura été précipité. Il va tourner ses yeux. Il finira par s'incarner dans le pape. Pour commettre des abominations et aller à l'extrême. Parce que le diable qui va s'incarner sera animé d'une grande colère. Mais nous serons en train de festoyer avec Christ au ciel. Pendant que le diable va déchaîner sa colère sur les humains, nous serons dans les félicités là-bas. Avec Christ faisant le tour des tables. Nous consolant, essuyant les larmes de nos yeux. Et nous disant que les choses assez ne reviendront plus. Et après il dit, bon, venez. Regarde, venez, venez. Nous avons encore un promis. Mais rien à craindre parce que nous avons fait. La parole a écrit que nous allons faire. La même parole qui avait dit qu'il n'abandonnera pas. C'est la parole qui s'est confirmée sans effet. Nous combattrons et nous les vaincrons. Nous vaincrons les dictateurs. Pouvez-vous imaginer ça? Les dictateurs qui seront à la tête des différents royaumes. Ils vont donner leur autorité et leur pouvoir à la bête. Toute cette machination-là, nous sommes plus que vainqueurs. Que Dieu vous bénisse. Lève-nous pour la prière. Priez chacun. Puissant Père bien-aimé, nous t'adorons au nom de Jésus-Christ. Célébrons ton merveilleux nom. Nous te glorifions tout sincèrement pour cette belle soirée que tu nous as accordée de méditer à nouveau ta sainte parole, riche en vérité, riche en révélation. Elle instruit et nourrit nos âmes. Elle nous indique les droits chemins. Ce qui a été, ce qui est et ce qui sera. Elle nous apprend à boucher les oreilles aux paroles mensongères des hommes pour considérer essentiellement la parole véridique de Dieu. Car elle est infaillible, la parole du Seigneur. Elle se confirmera et s'accomplira. Même quand les hommes douteraient d'elle, même si cela prendrait beaucoup d'années, mais à la fin de tout, ça s'accomplit. Ne nous laisse pas commettre l'imprudence. Suivre la voix de la séduction. Écouter les voix de la perversion. Et suivre la tromperie, la corruption. Mais nous voulons être du nombre de ceux qui se rangent du côté de la vérité, du côté du droit chemin du Seigneur, dans les voies du Seigneur même, pour vaincre comme il avait vaincu. Entends nos prières, exauce chacun de nous, exerce notre foi au combat, exerce notre vie à la victoire, car la victoire t'appartient à toi, Seigneur. Et tant que nous sommes de ton côté, nous avons droit à la délivrance, nous avons droit à vaincre. Être plus fort et plus que vainqueur. Que ta parole se manifeste. Chemin faisant au feu. Éclaire chacun de nous. À ne pas demeurer dans l'obscurantisme. Dans la lumière. Mais à marcher à ta lumière. Être compté du nombre de vainqueurs. De racheter et de ressusciter. Le moment venu. Reste avec chacun de nous. Et c'est notre méditation en prolongation. Ajoute plus de lumière à notre compréhension. Et que les ténèbres de l'incrédulité, du doute et de l'incertitude, ne soient pas forts, s'épanouissent complètement. Et que la victoire du Seigneur rayonne plus fort sur le chemin. Tu as vaincu à Golgotha, Golgotha et nous marchons dans ta victoire. Tu vaincras encore bientôt dans l'éternité. Et nous comptons sur ta victoire. Oh Père. Attends. Donne réponse à chacun. Console les cœurs affligés. Dirige nos pas dans ta sainte esprit. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous prions ici. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous arrivons à la dernière étape encore une fois. Par la grâce de Dieu.